Lorsque la vieille fille reçut son bougeoir des mains de la respectable Madame Olivier, la portière, elle s'avança pour voir si les fenêtres de la mansarde, au-dessus de son appartement, étaient éclairées. À cette heure, en juillet, il faisait si sombre au fond de la cour que la vieille fille ne pouvait pas se coucher sans lumière. « Oh, soyez tranquille, Monsieur Steinbock est chez lui, il n'est même pas sorti !» dit malicieusement Madame Olivier à Mademoiselle Fischer. La vieille fille ne répondit rien. Elle était encore restée paysanne en ceci qu'elle se moquait du qu'en dira-t-on des gens placés loin d'elle. Et, de même que les paysans ne voient que leur village, elle ne tenait qu'à l'opinion du petit cercle au milieu duquel elle vivait. Elle monta donc résolument, non pas chez elle, mais à cette mansarde. Voici pourquoi. Au dessert, elle avait mis dans son sac des fruits et des sucreries pour son amoureux, et elle venait les lui donner, absolument comme une vieille fille rapporte une friandise à son chien. Elle trouva, travaillant à la lueur d'une petite lampe, dont la clarté s'augmentait en passant à travers un globe plein d'eau, le héros des rêves d'Hortense, un pâle jeune homme blond, assis à une espèce d'établi couvert des outils du ciseleur, de cire rouge, d'ébauchoir, de socle dégrossi, de cuivre fondu sur modèle, vêtu d'une blouse et tenant un petit groupe en cire à modeler qu'il contemplait avec l'attention d'un poète au travail.